Les amis, bienvenue dans mon nouveau podcast court. J'ai pas capté un beignet. Alors, bon, je mets en place un peu les choses. Pourquoi ça s'appelle J'ai pas capté un beignet? Eh bien, c'est très simple. Ça nous vient d'une citation de Serge Le Mito, interprétée par le seul, le grand, l'unique Jonathan Cohen il y a quelques années de ça, dans la série Serge Le Mito, qui est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Et pourquoi, finalement, j'ai pris cette citation comme titre pour mon podcast? Eh bien, parce que dans ce podcast, de façon très subjective, de façon très personnelle finalement, j'inviterai peut-être des gens dans les prochains épisodes, c'est possible, mais pour le moment, c'est très personnel, je vais évoquer, je vais m'exprimer, je vais me libérer, de toute façon tout est écrit dans la description du podcast, hein. Là je vous fais une petite intro, il y aura que dans l'épisode 1 qu'il y a une intro, hein. Dans le reste, on ira directement au gros du sujet, il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de présentation, là je présente parce que c'est le premier épisode, c'est normal, c'est une nouvelle série, on se présente, voilà. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Matisenko. Je suis youtubeur, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, je fais des parodies et plein d'autres petites bêtises sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir Matisenko sur YouTube, c'est exactement le même nom que le podcast. Bref, alors pourquoi j'ai pas capté un beignet? Eh bien parce que j'ai très souvent, dans mon quotidien, dans ma vie, dans ce que je vois à la télé, à la radio, dans les journaux, avec mes amis, avec ma famille, etc., il m'arrive de me rendre compte d'aberrations, selon moi, hein, ça reste très subjectif, de choses qui sont incompréhensibles pour moi, des façons de faire que je ne comprends pas. En fait, j'ai un peu envie d'apporter une correction à ce monde, finalement. Il y a des sujets, il y a des thèmes que je ne comprends pas. Pourquoi c'est fait de cette manière-là? Pourquoi on ne le fait pas d'une autre manière? Et j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de donner mon avis. J'ai envie de me libérer, je l'ai déjà dit, tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant et que, en tant que citoyen, en tant que personne tout court, j'ai pas forcément plus de légitimité que ça à avoir, mais cette légitimité-là est déjà là. Donc, en tant que citoyen, j'ai envie de m'exprimer de temps en temps, et je trouve ça intéressant de le faire en podcast, en émission audio, plutôt que sur YouTube à l'ancienne en vidéo. Là, on ne me verra pas, on m'écoutera seulement, c'est différent. Et puis surtout, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des idées de thèmes, de sujets, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, matisse.yt, vous m'envoyez un petit message privé, je vous répondrai au plus vite, et on essaiera de mettre en place d'autres émissions avec vos sujets, et peut-être un jour ou une émission où je répondrai un peu à vos questions, si vous voulez connaître mon avis. En fait, jusqu'à présent, je donnais très peu mon avis sur YouTube, sur le quotidien. Il m'arrive de temps en temps d'avoir des coups de gueule, mais c'est assez rare. Je faisais mes petites vidéos dans mon coin, mais ça n'allait pas plus loin que ça finalement. Là, j'ai décidé, j'en ai eu marre, je me suis dit pourquoi me restreindre, pourquoi ne pas donner un peu mon avis aussi, de façon un peu plus intimiste. C'est pour ça que c'est un podcast et que c'est pas sur ma chaîne YouTube directement. Peut-être qu'ils seront repostés sur ma chaîne YouTube plus tard, pour le moment c'est seulement un podcast, voilà. Bon, on arrive au gros du sujet. Le thème d'aujourd'hui, la communication. Alors ça, c'est un gros sujet dont j'ai envie de parler quand même. Depuis un certain moment, je remarque que c'est la clé finalement. La clé à pratiquement tous les problèmes qui existent. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vais m'expliquer. J'ai organisé récemment une fête chez moi pour le nouvel an, où j'ai invité des amis. Alors j'avais des amis en couple, je suis en couple aussi actuellement, et d'autres qui n'étaient pas en couple. Et bah, ceux qui n'étaient pas en couple se sont sentis rejetés. Ils se sont sentis rejetés, un peu mis de côté, alors que c'était absolument pas mon objectif. Moi, j'étais dans mes délires, dans mes bails. Je me suis pas rendu compte directement que j'avais rejeté des gens. Alors que c'est des gens que j'adore, c'est ma famille presque, c'est ma famille que j'ai choisie, comme j'aime l'appeler. Et ça m'a rendu dingue. Parce que comment s'est terminée la soirée, c'est qu'ils sont partis, d'un coup, à 1h du matin, à peine après minuit, sans presque dire un seul mot, en disant « on s'en va, on en a marre ». Au lieu de s'exprimer, de mettre en avant son problème, de communiquer, ils ont préféré ne rien dire et partir d'un coup à force d'avoir encaissé le fait d'être rejeté entre guillemets, d'être mis de côté, on va dire ça comme ça, c'est pas rejeté, c'est plus mis de côté. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je parle de ça parce que je crois que c'est vraiment la clé à beaucoup de problèmes, ça c'est un problème minime, un peu bidon finalement, mais il y a des problèmes bien plus graves. Je pense réellement que la communication est la clé à 90% des problèmes, évidemment que, enfin c'est une des clés en tout cas, c'est pas forcément la clé mais c'est une des clés à tous les problèmes, je m'explique. Tu es dans une entreprise. Dans une société, tu es un employé, tu seras bien plus heureux, bien plus épanoui dans ton travail si tu sais que si tu as un problème, tu peux communiquer avec ton patron, par exemple. Ça marche aussi dans l'autre sens, le patron peut communiquer avec ses employés. S'il y a un lien, s'il y a de la parole, du débat, du discours, de l'avancement d'idées, finalement, les choses se passent bien et les gens se sentent bien. Et les gens s'apprécient aussi. On s'apprécie bien plus facilement quand on communique. Que ce soit sur le mal, sur le bien, si on essaie toujours ensemble de régler les problèmes, on avance, voilà. Ça marche pour le domaine du travail, ça marche pour l'amitié, comme je vous l'ai expliqué, c'est là que ça m'a un peu fait péter un câble, 12 podcasts aussi, d'où l'idée même peut-être de toute cette série de podcasts sur des aberrations. Parce que pour moi, c'est une aberration, c'est une incompréhension, j'ai pas capté un beignet, comme je dis, pourquoi ils ne m'ont pas communiqué. et ça m'a rendu fou. La communication, ça marche aussi quand on s'exprime au peuple français. Par exemple, je prends le gouvernement français qui, au lieu de nous dire, nous expliquer, mettre en place les choses de façon un peu plus compréhensible, a préféré mentir parfois, cacher les choses, y aller du jour au lendemain. Premier exemple, avant le premier confinement, le masque ça sert à rien, on sait que le masque il sert à quelque chose, on l'utilise tout le temps maintenant. Se faire tester pour le moment ça n'a pas d'intérêt, on teste tout le monde maintenant, on sait que ça sert à quelque chose. Il faut pas s'étonner après que les gens n'aient plus confiance, que les gens ne croient plus au gouvernement, que les gens remettent en question absolument tout, comme le vaccin, comme plein d'autres domaines. Si on commence une crise sanitaire de cette façon-là, si on commence en mentant, en cachant des choses, mieux vaut s'exprimer, mettre en place correctement les choses, dire les choses, même si c'est négatif, dire les choses. On a mal fait les choses, on préférera toujours entendre quelqu'un qui nous dit « j'ai mal fait les choses, je m'y suis mal pris » plutôt que quelqu'un qui va tout cacher et au dernier moment nous dire « bah en fait c'était n'importe quoi tout ce que je vous ai dit, c'est ça qu'il faut faire ». Voilà, un manque de confiance. La communication, ça permet la confiance aussi. Deuxième exemple, un peu plus récent, par exemple pour la fermeture des boîtes de nuit ou pour les annonces du nouvel an. Le nombre de cas Omicron, qui allait dépasser les 100 000 puis 200 000 etc, on le sait depuis un moment. Les prédictions, elles sont là depuis presque un mois maintenant. On sait qu'elle allait prendre le dessus sur l'autre. On le sait, tout le monde le dit dans tous les médias depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Pourquoi faire des annonces du jour au lendemain? Pourquoi ne pas anticiper l'anticipation? La communication, ça permet l'anticipation des choses aussi. Si on s'y prend plus à l'avance, si on prend plus de temps pour communiquer, pour étaler le sujet, plutôt que de tout sortir d'un coup, si ce n'est sortir la moitié des choses et attendre que le lendemain, on ait un communiqué écrit pour tout comprendre. Moi, je préférerais que tout arrive progressivement, correctement, planifié, de façon plus progressive finalement. Là, on a l'impression que le gouvernement, il fait tout au dernier moment, que c'est mal fait, qu'il anticipe absolument rien, et c'est dégueulasse, ça fait pas envie. On a l'impression de voir des gens qui savent pas ce qu'ils font et qui vont un peu à tâtons. Je dis pas que c'est pas ce qui se passe, parce que c'est une situation évidemment exceptionnelle, mais juste la façon de le dire, la façon de le mettre en place, la façon de s'exprimer finalement, la façon de communiquer, on y revient, elle peut influencer la façon dont les gens verront le gouvernement et la façon dont les gens vivront cette crise sanitaire aussi. Parce que c'est extrêmement stressant pour tout le monde. Moi, ça me stresse énormément. J'imagine que chez vous, ça vous stresse aussi forcément. En fait, plus ça a l'air préparé, plus les choses sont étalées, anticipées, moins les gens seront stressés par la situation. Plus les gens comprendront la logique des choses, la logique de mettre en place un vaccin, la logique qu'a pu avoir pour un couvre-feu, pour un confinement. Des fois, on comprend pas forcément la logique, on comprend pas tout. Il faut expliquer aux gens. Les gens sont pas des abrutis. Si on leur explique, si on communique, ils comprendront. Voilà, c'est ma logique des choses. Voilà, c'est mon aberration du jour. C'est là où j'ai pas capté un beignet. Pourquoi il y a souvent ce manque de communication dans la vie, dans le couple, dans le travail, finalement, dans notre quotidien. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai expliqué au début, à me partager votre avis sur Instagram, matisse.yt, ou sur YouTube aussi si vous voulez, Matisse&Co. J'essaierai de mettre tous les liens en description. Passez une agréable journée ou une agréable soirée, ou une agréable matinée, et à la prochaine.